l'ambiance un peu. T'es pas là, comme un brouillard au fond de mes yeux, au fond de moi. Y'a pas de larmes, y'a pas de drame, y'a pas de pleurs, mais un peu pas. Y'a pas d'amour, jamais, toujours. Quand t'es pas là, je me sens un peu mis à la masse. Quand t'es pas là, il est tout seul en face à face. Parler tout bas, c'est pas l'enfer, c'est juste la mer. Je peux pas crier, je peux pas pleurer, mais je peux pas rire et je peux pas chanter. Quand t'es pas là. J'ai pas besoin d'un tuteur. Et puis d'abord, que tu sois là, je veux que tu reviennes. Pour mêler mes pensées aux tiennes. Je sais pas comment te dire ça. Quand t'es pas là. Quand t'es pas là.